Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Mosaïque sur Isanganiro. Il est à la fois cher et rare, ce produit que plus d'un appelle l'or noir au Burundi. Ici, nous parlons de carburant, un produit importé et qui, qu'on le veuille ou pas, est à la base des prix d'autres produits sur le marché. Il est presque introuvable sur les stations-service, aussi bien à Bujumbura et Gitega que dans d'autres provinces du pays. Quels seraient les défis liés à ce manque de carburant, les causes, les conséquences sur la vie des citoyens et quelles devraient être les perspectives pour en découdre avec cette situation qui semble trop durer? Mosaïque, aujourd'hui, nous sommes avec quatre invités sur le plateau, tous des responsables des partis politiques, et si besoin, d'autres groupes auront leur temps pour s'exprimer sur le même sujet. Kefani Bizi, c'est le président du parti Kodebou, jadis appelé Frodebou Nyakuri, Iragi Diandadae. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités. Je salue mes collègues qui sont ici et tous nos auditeurs. Aloïse Walichako, c'est le président du parti Ranak. Bonjour et bienvenue, monsieur Aloïse. Bonjour et je vous remercie de cette invitation et je salue les amis avec qui nous sommes ensemble et aussi les auditeurs. Pierre Claver Nahimana, vous êtes le président du parti Sawanya Frodebou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Radio Isanganiro et je salue tous ceux qui écoutent Radio Isanganiro. Et puis nous sommes avec vous, honorable Agathon Lguassa, président du parti CNL et député de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue tout autant mes collègues ici sur le plateau ainsi que tous les téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. La mise en onde est assurée par François Akimana, Innocent Bibonimana et Elvis Ngabirano, réalisation d'Alain Désiré Boukeyeneza et à la présentation, Léonce Vitalio. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La parole devrait être adressée à qui veut la prendre le premier, mais disons tout d'abord, près de moi, honorable Agathon Lguassa, le manque de carburant au Burundi, vous, ça vous fait quelle impression? Le manque de carburant au Burundi, c'est vraiment un cauchemar pour tout un chacun. Et donc, mon impression, c'est que effectivement, il est temps que les Burundais, l'appareil étatique et les opérateurs économiques s'asseyent ensemble pour voir comment venir à bout à cette problématique. Mais vous êtes de l'Assemblée nationale, député de l'Assemblée nationale, et à cette chambre basse du Parlement, qu'est-ce que vous faites? Le problème est national. Le problème est national, oui, je veux bien. Mais je pense qu'ici, je ne représente pas l'Assemblée nationale. Je ne veux pas me faire le porte-parole de cette institution. Non. Mais de toute façon, l'Assemblée nationale est plutôt comme le veut l'exécutif. D'où je pense que c'est beaucoup plus le rôle de l'exécutif parce que c'est lui qui gère l'économie, c'est lui qui gère les finances. C'est lui qui doit faire des signes qui puissent donner de l'espoir. Sinon, les députés, comme tout le monde, nous souffrons de cette carence de carburant. Donc, J'allais vous poser la même question. Est-ce que, personnellement, vous êtes un député, vous avez été membre du bureau de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas n'importe qui dans ce pays. Est-ce que vous vous sentez personnellement touché, Agathon Lguassa? Très touché. Très touché parce que, vous savez, un pays ne peut pas marcher, une économie ne peut pas marcher lorsqu'on manque de l'énergie. Un pays comme le nôtre, où le transport se fait par véhicule, ne peut pas penser à des lendemains meilleurs en termes de prospérité économique lorsque le secteur du transport est paralysé. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de l'exécutif pour qu'on revoie la politique en la matière. Parce que je pense que parmi tant d'autres problèmes qui sont à la base de ça, c'est une gouvernance qui est mal en point. Mal en point pourquoi? Comment se fait-il par exemple que un pays comme le nôtre, qui exporte par exemple des minéraux, qui exporte du café, qui a des troupes en mission de paix Et tout ça, ça rapporte des devises, mais qu'il y ait toujours un manque criant de devises. Il n'y a pas de transparence dans la gestion des devises dans notre pays. Et ça, c'est une des grandes causes de ce manque de carburant. Deuxième chose, la situation de quasi-monopole en matière d'importation ou de commercialisation de certains biens crée aussi des problèmes parce que ceux qui détiennent ce monopole ou ce quasi-monopole peuvent se jouer de tout le monde et faire de n'importe quoi. Et je pense que, par exemple... Monopole, comment monopole? Monopole ou quasi-monopole, parce que si vous prenez le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, le carburant, si vous attribuez la licence d'importation à une ou deux, trois sociétés seulement, comment pensez-vous résoudre ce problème si jamais ces gens, ces importateurs, voudraient saboter l'économie, par exemple? Je ne pense pas, évidemment, que l'on cherche à saboter l'économie burundaise, mais je me dis que cette situation de création de pôles monopolistiques dans différents domaines économiques, ça peut toujours porter préjudice à toute une économie. Pour le cas d'espèce, puisque c'est le carburant dont on parle aujourd'hui, moi je pense que, par exemple, on devrait donner la libéralité à tout ce qui voudrait exercer dans ce commerce-là, pour qu'eux aussi ils puissent importer. Là, on va y arriver, certainement. Oui. Honorable Pierre Claver Nahimana, président du parti Sanwanya Frodebu, ça vous fait quelle impression, ce manque de carburant au Burundi? Le carburant qui monte de prix deux fois en 2022, depuis janvier 2022, les prix du carburant ont monté deux fois, ont été revus à la hausse au moins deux fois, mais ça manque toujours. Ça vous fait quelle impression? L'impression que ça donne, c'est que le Burundi affronte un grand défi, très difficile à surmonter actuellement. Mais que le Burundi doit essayer de surmonter parce que le carburant, c'est l'énergie, et sans énergie, un pays ne peut pas fonctionner. L'autre impression que ça donne, c'est que le pays devient de plus en plus incapable de s'intégrer dans une économie internationale qui est très concurrente, très difficile. Il est manifeste que le problème de carburant que nous connaissons, il n'est pas apparu maintenant. Ça fait quelques années qu'on le constate, qu'on a des carences de carburant. Le pays essaie, mais ça devient impossible à résoudre. Donc ça devient un problème presque endémique. L'on constate qu'au niveau international, effectivement, ce problème de carburant se pose, notamment avec ce que l'on connaît avec la guerre en Ukraine, avec des prix au niveau mondial qui sont montés. Alors, le Burundi ne peut pas suivre ce rythme-là. Et ça se voit. L'on constate que, effectivement, la production burundaise, pour pouvoir générer des devises qui devraient servir à importer le carburant, cette production-là, elle est faible. Donc, nous ne parvenons pas à suivre le rythme face aux besoins immenses qui se développent au jour le jour dans la population, dans le pays, en carburant. Le pays ne peut pas suivre ce rythme-là. Est-ce que les Burundais doivent finalement s'habituer? Et s'habituer comment? On constate un problème, on constate un défi. Donc maintenant, il y a aussi un problème de gouvernance. Lorsqu'il y a une faiblesse dans l'économie manifeste, lorsqu'il y a un problème, il faut que le pays développe des solutions de résilience. On ne peut pas se soumettre. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut attaquer les problèmes qui sont à la base. Évidemment, les problèmes internationaux, on ne peut pas les résoudre. C'est pas facile. Mais au niveau national, on peut faire des efforts pour augmenter des productions qui génèrent des devises. Sinon, c'est impossible. Aussi, on peut faire des efforts pour améliorer la gouvernance économique. On constate, par exemple, ça, c'est ce que tout le monde voit, au niveau de la distribution, même au niveau des petites quantités que l'on a, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de détournement, il y a des problèmes de fraude, des choses de ce genre. Ça, le pays peut améliorer, c'est clair. Donc ces choses-là, on doit les améliorer pour que les petites quantités qu'on reçoit, on les gère de façon correcte. et aussi fournir beaucoup d'efforts pour que le pays produise des devises qui nous permettraient d'importer non pas seulement le carburant, là on parlait de carburant, mais il y a d'autres domaines, effectivement, dont on ne parlait pas. On parlait de sucre, vous parlez d'engrais, vous parlez de je ne sais pas quoi, tout cela, ça demande des médicaments, tout cela, ça demande des devises. Donc, si on ne résout pas ce problème, écoutez, on va aller dans tous les sens. Et ça ne sera pas agréable pour le pays. Il y a le président de la République qui a promis que d'ici un mois, il a dit il y a quelques jours, que d'ici un mois, le problème pourra être résolu. Ça vous fait de l'espoir ? Oui, le rôle du président, c'est toujours de donner espoir à la population, c'est clair. Donc, Attendre 30 jours, il peut pas, le président ne peut pas décourager la population, c'est pas possible. Mais évidemment, il faut que la population reste reste espérant qu'il y aura quelque chose. Mais cette quelque chose, c'est ce que je dis. Il faut que le pays essaie de trouver des devises pour importer du carburant. Il faut aussi qu'on améliore, il faut que le président essaie d'améliorer la gouvernance au niveau de ce problème, de ces problèmes dont on parle. Kefa Nibizi, vous êtes du parti Kodebou. Ça vous fait quelle impression, ce manque de carburant ? Moi, je vous dirais que ce manque de carburant m'étonne en quelque sorte. Pourquoi ? Je me souviens que même à l'époque de la transition, on connaissait ce problème de carburant. Et ça a continué après 2005. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu 3 mois qu'on a passé ça en manque de carburant. Alors maintenant, nous avons 17 ans après que nous avons des institutions qui sont élues par la population burundaise, donc qui sont autonomes. On se pose la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu trouver des solutions durables il y a toutes ces années-là. Donc, il y a un point d'interrogation où il est difficile, en quelque sorte, de comprendre. Deuxièmement, il y a des raisons qui ont été évoquées, comme les autres l'ont dit. Il y a un manque criant de devises qui doit être la cause principale, qui est aggravée effectivement par le monopole qu'a évoqué l'honorable Agathon Rwasa, ainsi que cette montée des prix suite à la crise internationale. Donc la montée des prix a augmenté effectivement les charges d'importation. Et les charges d'importation qui ne riment pas avec l'augmentation des devises, ça devient un problème. Là, on se situe dans un contexte où depuis 2005, maintenant c'est là où nous avons les institutions les plus stables, qu'on n'a pas connues, je crois, en 2010, qu'on n'a pas connues en 2005, en 2015, mais c'est là où nous avons des problèmes criants de carburant. On s'interroge, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il y avait un peu d'instabilité institutionnelle, la crise ne durait pas aussi longtemps qu'aujourd'hui, mais c'est au moment où nous avons une stabilité institutionnelle, je dirais, que nous connaissons une instabilité économique très aiguë. Donc, est-ce que c'est une incapacité d'utiliser une stratégie qui était utilisée auparavant, où il s'agit des conséquences cumulées. Et je crois que c'est ça, des conséquences cumulées d'une déficit en gouvernance économique qui a duré trop longtemps et qui commence maintenant à donner ces conséquences les plus accrues. Il s'agit également d'un problème de manque de planification stratégique à long terme et réel. On a toujours des CSRP, on a toujours des programmes de développement, mais qui réellement n'étaient que des théories finalement. Et aujourd'hui, voilà que les problèmes accrus se manifestent. Alors, il faudra aussi penser que le problème de devise qui a été évoqué, parce que c'est la principale cause. Je vous rappellerai que lors du forum économique qui s'est passé la fois passée, on a évoqué plusieurs raisons d'évasion des devises. On a dit qu'il y a des exportations qui ne génèrent pas de devises parce que les devises ne sont pas rapatriées. Et nous avons entendu depuis autres autorités se lamenter à ce niveau. Et quand j'ai entendu certaines autorités, je me suis dit, quand ces personnalités-là se lamentent, qui va finalement trouver une solution? Il y a un autre problème qu'on dit que les devises qu'on donne pour l'importation ne concordent pas avec la quantité de produits importés. Ça veut dire qu'il y a une partie des devises qu'on donne pour l'importation et qui servent à autre chose. Qui ne vont pas dans ce secteur. Oui, oui, oui. Et qui sont volatilisés, je ne sais pas où. Alors, il y a également ce que les autres ont dit, Donc, c'est un problème quasi généralisé qu'il y a un problème dans la gestion transparente des devises. Là, je vous donne un exemple. J'ai été étonné quand je vis qu'on a dû même placer la BRB à la présence de la République. Cela dit quelque chose, ça veut dire qu'on voulait voir qu'il faut donner du poids à cette institution qui donne les devises, en fait, d'éviter les spéculateurs, mais je ne sais pas si on n'est pas mieux. Monsieur Kefani, oui. Il y a le manque criant d'eau carburant, ça, on n'en discutait pas, mais il y a en même temps les prix de ce produit qui montent. Est-ce qu'on peut parler de paradoxe ou quoi? Bon, on ne peut pas parler de paradoxe en tant que tel, parce que la montée des prix d'un produit importé dépend de plusieurs facteurs, y compris le prix du baril à la production, mais aussi à des taxes qu'on augmente. Dans un certain cas, on aurait fait ça parce qu'on voulait s'accorder à l'augmentation des prix à l'international suite à la guerre qui est entre la Russie et l'Ukraine, je crois. Mais aussi, j'ai l'impression qu'au regard, par exemple, des charges d'augmentation des recettes qui se situent à plus de 650 milliards, si j'ai bonne mémoire, millions, ça veut dire qu'on doit augmenter des taxes un peu partout. C'est ça aussi la cause. Donc, le paradoxe, c'est que quand vous augmentez les prix d'importation, quand les prix d'importation augmentent et qu'il n'y a pas de quantité suffisante pour importer le carburant, effectivement, les quantités d'importation diminuent parce qu'on a augmenté les charges d'importation, on n'a pas les devises conséquentes, la quantité diminue. Et là, il faut ajouter que j'ai l'impression que pour le cas, notamment présent dans quelques semaines, qu'il y aurait même un malentendu entre les importateurs et notamment la société qui détient presque la quasi-totalité des importations avec l'État, et cela même a transparu. Quelle société ? Bon, Interpétrole. C'est Interpétrole, c'est connu. Mm. Cela a transparu même dans certaines correspondances qui ont fuité et qui montrent qu'il y a un malaise entre l'État et cette société, ce qui aurait fait qu'il y a une forme de grève qui paralyse effectivement ce secteur. Et les conséquences vont tomber sur les Bien citoyens. Bien sûr, c'est sur les citoyens. Aloïse Valichakou, votre impression, et vous allez y aller directement avec les défis, les causes liées à ce manque de carburant. Le manque de carburant, pour nous, finalement, c'est casse-tête, mais aussi c'est un problème qui est complexe. Qui est complexe, pourquoi? Parce que il y a trop souvent, et d'ailleurs depuis longtemps, des pétroliers qui exercent toujours une pression sur le gouvernement. Quand il s'agit... Des pétroliers qui exercent une pression sur le gouvernement, ou c'est l'inverse? Non, non. Chaque fois que les pétroliers ont voulu monter... Les pétroliers sont plus forts que le gouvernement. Oui, oui. Chaque fois qu'ils ont voulu augmenter les prix à la pompe, ils ont toujours exercé une pression sur le gouvernement en provoquant des pénuries, en spéculant, pour que finalement le gouvernement cède et on a toujours vu la hausse des prix. Au Burundi, c'est un problème qui date de longtemps, comme M. Kefav vient de le dire. Parce que souvenez-vous que même avant la guerre d'Ukraine, les prix avaient augmenté ici chez nous. Et le carburant était aussi rare. Vous vous souvenez aussi que ici chez nous, les règles qu'on peut dire, les théories que les économistes avancent souvent ne fonctionnent pas ici chez nous. Comment? Car le dollar est stable ici chez nous. Cela n'empêche pas que le prix du carburant monte. Ailleurs, quand les devises, le prix du dollar, le prix du baril chute au niveau international, souvent les autres pays diminuent le prix du carburant. Mais ici chez nous, c'est toujours l'inverse. Ici chez nous, on n'a jamais vu le prix du carburant baisser. Jamais. C'est toujours. Ça augmente toujours. Ça augmente toujours. Donc, c'est un problème qui, je dirais, qui résulte du fait que les pétroliers sont plus forts que le gouvernement. D'où alors maintenant le gouvernement doit prendre ses responsabilités et doit finalement s'imposer parce que ce produit, c'est un produit qui fait tourner toute l'économie du pays et dans tous les secteurs d'ailleurs. Donc ce n'est pas un produit de luxe, plutôt c'est un produit donc, qui fait fonctionner de première nécessité. Donc sur lequel il faut vraiment mettre tous les efforts. Vous pouvez y aller directement, Monsieur Aloïse Valichakou, avec les défis ou les causes de ce manque de carburant. Qu'est-ce qui est lié à ce manque de carburant? Ce manque de carburant, mes amis l'ont dit, on dit normalement qu'il y a manque de devises. Mais ça fait quelques temps que le dollar est stable ici chez nous. Car le dollar est stable, ça montre que réellement, à la BRB, c'est qu'il y en a. Car c'est stable. Peut-être qu'il y a une mauvaise distribution de cette devise, où souvent on donne les devises aux gens qui importent des produits qui ne sont pas de première nécessité. Par exemple, maintenant, vous allez voir, dans tous les cabarets, il y a des bières importées. Il y a partout des refs, il y a partout des Henken, il y a des vins partout dans les boutiques. Mais on les importe avec quoi? C'est avec des devises. Est-ce qu'il n'y a pas des gens à qui on donne des devises alors qu'ils importent des produits qui ne sont pas de première nécessité? Je crois qu'il faut prioriser. Il faut faire une priorisation des choses. Voir, quand on est dans cette situation où on n'a pas beaucoup de devises, on doit orienter des devises dans l'importation des produits de première nécessité. Mais il y a Pierre Claver Nahima, là, du Parti Sahraïen Frodebo, qui a dit tantôt que ce n'est pas que le carburant. Donc, ce n'est pas que ce secteur qui a besoin de devises. Il y a les médicaments, il y a autre chose. Souvent, on fait des mesures de restriction. Oui, il a dit, mais il a dit les médicaments. Les médicaments, oui, ce sont des produits de première nécessité, le carburant. Il y a bien sûr des choses de première nécessité. Mais les armes. Oui, mais les armes, non. La défense nationale. Mais les bières qu'il a dit ne sont pas. Les bières, vraiment, ce ne sont pas des bières de première nécessité. Mais malheureusement, ils sont ici. Les voitures d'Orix, les V8. Ça consomme des combien de devises, ça consomme combien de carburant. Il y a des fois faire des mesures de restriction. Quand il y a une situation comme ça, il faut faire des mesures de restriction pour finalement orienter ces devises dans des biens de première nécessité. Les défis et ou les causes, je vais faire le tour de table, honorable Agathon Gouassa. Les défis ou les causes, ce qui est à l'origine de ce manque de carburant? Il y a des causes qui sont supposées et il y a des causes réelles. Des causes supposées et des causes réelles? Oui. L'une des causes supposées, c'est la guerre russo-ukrainienne, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est un prétexte? C'est un prétexte. Parce que le manque de carburant a toujours existé. Mm-hmm. Et je pense que la guerre russo-ukrainienne ne pouvait nullement affecter le Burundi en termes d'importation de carburant, parce qu'on ne s'approvisionnait pas en carburant à partir de l'Ukraine ou à partir de la Russie. Mm-hmm. Pour les Européens qui consommaient le carburant russe à hauteur de plus de 40%, on peut comprendre. Mais pour nous, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça notre marché où on s'approvisionne. Les causes réelles, c'est quoi? Première chose, il y a cette mauvaise gouvernance économique. Parce que si vous créez des situations monopolistiques, si vous donnez un marché juteux d'importation de carburant à une société X, au détriment de tout ce qui voudrait exercer dans ce secteur, quelque part, vous désorganisez vous-même le système d'approvisionnement et de vente. Et à la longue, comme l'a dit Kefa, les conséquences vous rattrapent quelque part. Deuxième cause, il y a toujours eu ce fonds carburant. Fonds stratégique carburant. Mm-hmm. Où est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il a disparu, ou comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, un manque de transparence dans la gestion. Économique. Vous votez des lois au sein de l'Assemblée nationale. Et est-ce que le fonds stratégique et carburant figure dans le budget général de l'État? Non. Il y a ces fonds, il y a ces caisses et autres. C'est toujours un peu mystérieux. Mm-hmm. Oui. Dernièrement, quand on analysait la loi de règlement budgétaire, par exemple, mais ça suscitait des remous. Il y a même des gens qui ont été menacés pour avoir posé quelques questions qui indisposent. Notamment lorsqu'on a voulu chercher à savoir par où passent les devises qui proviennent de troupes qui sont en Somalie ou en Centrafrique, et que le ministre vous dit que c'est un secret, que lui-même, c'est-à-dire quoi? Et pourtant... Que lui-même ne sait pas. Il vous dit, trouvez-moi dans mon bureau, je vais vous expliquer. C'est-à-dire quoi? Donc, il y a une certaine opacité dans la gestion de la chose publique et surtout en matière de devises. Parce que si les devises sont gérées actuellement par la Banque centrale, si on a fermé les bureaux de change, comment est-ce que vous allez vers une banque, vous demandez des devises, on vous dit, allez au marché noir, où est-ce que le marché noir s'approvisionne en ces devises, par exemple? comment est-ce que le marché noir en devise soit florissant plus que les banques? Donc, quelque part, c'est pourquoi je dis, le premier rôle, c'est l'exécutif. Parce que c'est lui qui régule après tout. Et deuxième chose, plutôt troisième chose, comment est-ce que le couloir d'approvisionnement est organisé? Nous avons un pays qui est enclavé, je le veux bien, mais quand même qui a des opportunités, des atouts en termes de desserte. Dans le temps, le carburant venait via le lac Tanganyika. Un train chargé de je ne sais combien de citernes de carburant qui quitte Dar es Salaam pour venir à Kigoma, ça fait 60 heures pratiquement. 60 heures Dar es Salaam-Kigoma. Dar es Salaam-Kigoma par train. Mm-hmm. Maintenant qu'on modernise, ça pourra même être moins que ça. Mm-hmm. Si, même si on devrait le charger, cette cargaison, par voie routière, en tout cas, quitter Kigoma pour venir à Bujumbura, c'est moins coûteux que quitter Bujumbura pour aller à Dar es Salaam ou à Isaka. Mm-hmm. Donc, je m'imagine que le corridor central devrait être privilégié et la voie maritime, ainsi que la voie maritime à partir de Kigoma. Comme ça, les charges diminueraient et aussi les quantités qui arriveraient à Bujumbura. Mais pourquoi, selon vous, emprunter ce long trajet Dar es Salaam-Kigoma par véhicule, alors qu'il y a le lac, qu'il y a les... Non, de Dar es Salaam à Kigoma, là, on n'a que deux alternatives. C'est la route ou c'est le chemin de fer. Mais le chemin de fer est beaucoup, beaucoup mieux avantageux par rapport au transport routier. Donc, on peut aussi penser à mettre un pipeline qui va de Dar es Salaam au port de Kigoma. Et donc, à ce moment-là, c'est juste question de pomper son carburant. Ça arrive à Kigoma, on recharge dans un bateau ou dans des camions-citernes. Et à moins d'une journée, ça arrive à Bujumbura. Mais maintenant, si on devrait compter, par exemple, les charges, ne fût-ce que le coût du transport du carburant de Dar es Salaam ou de Mombasa à Bujumbura ou d'Isaka à Bujumbura, tout ça, ça contribue à ce que le prix soit toujours revu à la hausse. Et donc, je pense que l'État, autant il compte investir dans la construction d'une voie ferrée au Burundi, autant l'État devrait consentir avec la Tanzanie à construire un pipeline Dar es Salaam, Kigoma, par exemple, au besoin même, on allongeait jusqu'à Gitega ou à Bujumbura. Comme ça, au niveau de l'approvisionnement, on aura résolu beaucoup de problèmes. Mais aussi, le fonds carburant. Dans les autres États, il n'y a pas de manque de carburant, malgré la hausse du prix du baril. Qu'est-ce qu'ont fait les États voisins? Ils ont tous injecté de l'argent. Et c'est tout autour du Burundi, il n'y a pas manque de carburant. Oui, non. Il n'y a pas manque de carburant. Allez au Congo, vous n'allez pas manquer de carburant. Allez au Rwanda, allez au Kenya, allez en Ouganda, allez en Tanzanie, vous ne manquerez pas de carburant. Et ce n'est pas du carburant qu'ils raffinent chez eux, c'est du carburant importé. Autre chose, le Burundi, dans la sous-région, il y a du pétrole. Pourquoi est-ce que, par exemple, au niveau de l'EAC, ne devrait-on pas développer une politique d'exploitation de notre pétrole et de mettre en place une raffinerie sur place qui raffinerait le pétrole de l'Ouganda, le pétrole du Burundi et du Congo, le pétrole de la Tanzanie, et on a du pétrole qu'on va alors maintenant nous aussi exporter les produits finis du pétrole. Peut-être que ça c'est macro. Pierre Claver-Nahimane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à des défis, les causes liées à ce manque de carburant? Les vraies causes, je les ai dites, je les résume. Mm-hmm. Nous avons, au niveau du pays, une économie faible. Même au niveau régional, au niveau de l'EAC, si vous regardez les études des spécialistes, ils vous disent que l'économie burundaise est faible par rapport aux autres pays de l'EAC. Et au niveau... Ça situe cette faiblesse. Et au niveau des productions à vendre pour que vous ayez des devises. Mais au niveau mondial, là, c'est un gros problème. Donc, nous n'avons pas suffisamment de force économique pour suivre le rythme de développement mondial, de développement de l'EAC. Nous n'avons pas suffisamment de devises pour suivre le rythme que nous impose la concurrence mondiale. Vous savez, si on prend ce problème de carburant, même avant la guerre d'Ukraine, les pays producteurs, l'OPEP, les Américains, les Arabes, ils montaient les prix du baril. Vous savez, ces gens-là, ils se foutent bien des pays pauvres, comme le nôtre, et ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et si vous avez une économie faible, vous ne pouvez pas suivre le rythme. C'est ça qui se passe. Alors maintenant, avec la guerre d'Ukraine... Donc avec l'économie faible, le Burundi ne peut pas s'imposer sur le marché. Voilà, c'est ça le problème. Alors maintenant, avec la guerre d'Ukraine, le problème s'est aggravé. Je regrette, mais je dois vous dire que lorsque le baril monte au niveau mondial, ça se ressent même au niveau du Burundi. Je dois vous dire que même ceux qui ne le savaient pas, vous avez constaté que ces derniers jours même, le prix du pain a monté. Moi, je sais que le Burundi importait du blé de l'Ukraine. Maintenant, on ne le fait plus. Et forcément, les prix augmentent. C'est la même chose que le carburant. Vous voyez, donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, il faut la chercher dans les problèmes de gouvernance interne, gouvernance économique. Effectivement, c'est la gouvernance, c'est une bonne gouvernance économique qui peut vous permettre de produire suffisamment, de faire face à ce genre de situation, de produire suffisamment de devises pour que les devises qui sont produites ne soient pas détournées, ne soient pas utilisées à autre chose qui n'est pas nécessaire, comme les autres sont en train de le dire. Ça, c'est une question interne de gouvernance économique. C'est la gouvernance économique qui pourrait permettre que les petites quantités qu'il y a maintenant soient bien distribuées, qu'elles ne soient pas fraudées comme on le voit maintenant. Donc, on a deux groupes de problèmes, deux groupes de causes qui font que la situation s'empire et que les populations en souffrent. Voilà. Kefani Bizi, est-ce que je veux y aller toujours demander, poser la question en rapport avec les défenses? Je pense qu'on en a parlé assez. On en a parlé, vous allez peut-être parler des conséquences sur la vie des citoyens. Bon, merci beaucoup. Là, les conséquences sont légion. Parce que vous savez que l'énergie est un élément indispensable dans le développement socio-économique. Et un pays qui se respecte doit veiller à ce que l'énergie soit toujours disponible en quantité suffisante et de façon permanente. Alors, car le carburant fait défaut quand il monte de façon exorbitante, c'est effectivement le transport qui est perturbé des biens et des personnes. Et quand le transport des biens, par exemple, est perturbé, ça fait monter les prix de tous les autres produits et qui sont approvisionnés par la voie routière. Et ils sont nombreux. Les produits qui viennent de l'étranger pour alimenter le Burundi ou les transports interprovinces qui sont aussi perturbés font monter même les prix des produits qui sont de chez nous. Là, il faudrait aussi constater que quand les prix montent, et celui-même qui vend autre chose est obligé de monter son prix pour pouvoir s'approvisionner à ces prix qui ont monté. Une autre conséquence très importante, quand il y a une pénurie répétitive, grave, du carburant comme aujourd'hui, ça impacte aussi sur la confiance que la population a sur les institutions. Ils s'interrogent, est-ce que sont-ils capables maintenant... Est-ce que vous souvenir... n'avez plus confiance, M. Kefa? En tout cas, d'une façon ou d'une autre, on s'interroge. On s'interroge. La population s'interroge. Pourquoi est-ce que nous sommes dans ce problème qui perdure toujours? Et ça fait même, vous avez vu ce qui vient de se passer en Sri Lanka. Il y avait du manque partout de n'importe quoi. La population cesse de rêver. Ça a donc une série tel problème peut même agir sur la stabilité des institutions. C'est à ce moment où je vais revenir peut-être, où les institutions doivent être prudentes, qu'une telle question qui dérange à la fois toute la population, du plus petit au plus grand, ce n'est pas une question qui est négligeable. Donc, d'une façon générale, le manque de carburant impacte sur les prix des denrées de première nécessité. Ça perturbe aussi le transport, comme je l'ai dit, mais aussi ça prend le temps. Vous savez, quand vous êtes obligé de prendre 3 heures, 4 heures, toute une journée sur une chaîne pour s'approvisionner en carburant et que malheureusement, vous ne parvenez pas à en avoir. Ça veut dire que vous avez pris du temps qui aurait été utilisé pour autre chose. Vous avez gaspillé ça. Alors, quand les gens doivent maintenant arriver au bureau, ils vous disent, non, j'arrive à 8 heures. Vous allez m'excuser, j'ai manqué de bus. Il n'y a pas de bus, j'arrive à 8h30, une heure de moins sur le temps qui devrait être consacré au travail. Et on ne peut pas en vouloir à un employé qui n'a pas trouvé de moyen de développement de le faire. Donc voilà, en quelque sorte, les quelques conséquences qui sont provoquées par ce manque criant de carburant. Il y a aussi des pratiques de fraude qui viennent. Quand il y a du carburant en quantité suffisante, il n'y a pas possibilité, il n'y a pas besoin de frauder. Parce que quelqu'un ne peut acheter du carburant fraudé parce qu'il y en a insuffisante. Maintenant, ça renforce cette antivaleur de fraude, cette antivaleur de détournement du bien qui, en quelque sorte, est public. Et cela au vu et au su de certaines autorités qui devraient en empêcher. Donc, ça veut dire que ces fraudes sont opérées par qui? Les fraudes sont opérées en grande partie par les pompistes. Mais ils le font alors qu'il y a un agent de l'État qui est là. La fois passée, j'ai vu déjà de la BBN. Il y a des policiers qui sont là. La fraude et la corruption. Alors, il y a aussi, effectivement, la corruption. Si vous voulez que votre véhicule soit l'emprunt, il faut donner quelque chose. Vous venez avec quelque un bidon. Oui, sous. Dans sous. Quelqu'un amène un bidon qui devrait être l'emprunt à 65 000. Il ajoute 20 000 pour que le bidon soit l'emprunt. Ça s'appelle un fantasme. Donc, vous voyez que à côté des conséquences purement économiques, donc, il y a aussi des conséquences associées de la moralité de la population. Et tout le monde semble trouver que c'est normal parce qu'il y a des problèmes. Voilà en quelque sorte les conséquences qu'on peut citer. Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit vraiment. Je vais répondre à autre chose. Est-ce que les citoyens vont finalement... Je posais la question tantôt à Pierre Clevet et Marie-Mana. Comment finalement les citoyens devraient se comporter? Il y a une situation qui se présente, le manque de carburant est réel, les citoyens, et donc il y a les prix des produits de première nécessité qui montent. Comment vont se comporter les citoyens? Les citoyens assistent implicitement, ils n'ont pas d'autre façon de se comporter. Nous assistons implicitement, mais plutôt, c'est plutôt le gouvernement qui devait prendre des mesures de résolution dans ce cas. Si, ou des mesures autre que de la solution, des mesures qui empêchent justement ce manque de carburant et toutes ces spéculations. Parce que on a dit, donc tout, nous l'avons dit, ce manque de carburant vraiment est source de toute chose, je dirais mauvaise, parce que toutes les valeurs sont perdues. Donc je pense que il faut vraiment en découdre avec son problème. Isanganiro. Je rappelle en passant qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de manque de carburant, une situation qui perdure, provoquant aussi la flambée des prix des autres produits sur le marché. Quatre invités, tous des responsables des partis politiques, sont avec nous sur le plateau. Il y a Honorable Agathon Gwassa, président du parti CNL et député de l'Assemblée nationale. Honorable Pierre Claver Nahimana, président du parti Savanya Frodebou, Aloïse Valichako du parti Ranak, ainsi que Kefa Nivizi, président du parti Kodebou. Avant de terminer, nos invités pourraient émettre quelques recommandations, des perspectives. Qu'est-ce qui devrait être fait? Nous parlions tantôt de conséquences. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux conséquences, honorable Agathon Gwassa, des conséquences, oui, mais aussi des perspectives ou des voies de solution. Première chose, il faut qu'on arrive à juguler l'opacité qui mine la gestion des devises. Opacité. Oui. Il y a quelques années, il y avait les bureaux de change, par exemple. On pouvait chercher des devises sans problème, à Bujumbura comme dans les provinces. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller à la banque. Si vous allez à la banque, vous n'en avez pas, mais vous allez au marché noir, ça crève les yeux, mais vous les aurez. Comment est-ce que le marché noir est approvisionné en devises lorsque les banques Amak et Kriyama. Ne faudrait-il pas peut-être revenir sur certaines méthodes qui ont été utilisées par le passé, où chaque fois la BRB opérait une vente aux enchères des devises et que ces devises pouvaient se retrouver facilement un peu partout. Deuxième chose, il faudrait quand même qu'il y ait une transparence dans les rentrées en devises. Si, tantôt j'ai évoqué les missions de la paix des militaires et aux policiers burundais, c'est quand même une source importante de devises pour notre pays. Il faut quand même que ça soit transparent, que l'on sache la finalité de l'argent qui provient de ces missions-là. Nous vendons du café, on ne le vend pas en francs burundais. Nous vendons des minéraux à l'étranger, on ne les vend pas en francs burundais. On les vend en monnaie étrangère. Il ne faudrait pas que le ministre nous dise chaque fois que chaque année on vend pour 4 milliards de francs burundais. Non, qu'on nous dise plutôt on a vendu autant à tel prix et en termes d'échange, la monnaie locale, ça serait autant. Mais qu'on sache effectivement quel est le rapport des exportations des produits burundais en matière de devises. Autre chose, le fonds carburant. Il faut quand même que ce soit un fonds réel qui puisse soulager la population chaque fois qu'elle a besoin. S'il y a le prix du baril qui augmente, par exemple, on sera à bas sur ce fonds carburant pour essayer d'atténuer le choc. Mais actuellement, c'est comme si ce fonds n'a jamais existé. Aussi, il faut une redéfinition des couloirs d'approvisionnement, mais aussi revoir toute la politique en matière d'importation ou de la gouvernance économique en général, parce que cette situation de monopole pour la vente ou la commercialisation de tel ou tel autre produit, ça ne fait que porter préjudice à notre économie. Bref, je dirais, il faut améliorer la gouvernance économique en général, et la gouvernance financière en particulier, pour pouvoir juguler ces problèmes. Comment est-ce que la population, les citoyens, pourraient-ils s'adapter à cette situation? La population ne s'adapte... Résignation ou quoi? La population essaie de s'adapter. Essaie de s'adapter. Mais la situation, tant qu'elle s'aggrave, on ne peut pas dire que la population va se résigner. Après tout, ça c'est... Le bien-être, cet endroit pour tout un chacun. Et parmi les missions du gouvernement, c'est garantir effectivement la réalisation de ce bien-être par les populations. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est au gouvernement de prendre le taureau par les cornes et de prendre toutes les mesures allant dans le sens à rendre disponible un bien aussi essentiel comme le carburant. Parce que même si on parle de production... Avec le manque de carburant, Kefala a si bien dit, si vous commencez le travail avec 1 heure, 2 ou 3 de retard et vous rentrez précocement pour que vous puissiez arriver à la maison avant qu'il ne soit trop tard, finalement, si 8 heures de travail, vous ne travaillez que 2 ou 3, quel sera le niveau de la productivité? Et même si on devrait penser à long terme qu'on doit travailler pour générer des devises, comment est-ce qu'en travaillant 2-3 heures par jour, par exemple, on aura suffisamment de quantité à mettre sur le marché extérieur? Et donc, si le niveau de productivité baisse, oui, donc, il n'y aura pas de solution par rapport à ce carburant, finalement. Oui, c'est plutôt la galère qui va être augmentée. Donc, le gouvernement, l'exécutif, doit quand même prendre très au sérieux cette problématique et apporter des solutions qui satisfassent tout le monde. Des solutions, Pierre Clavier Merriman, des solutions que vous proposez, des recommandations au gouvernement, oui. Un appel. C'est les recommandations que je pourrais faire. Tout à l'heure, le président Kefa, il a dit, vous savez, il y a eu un manque de planification, c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais directeur général de l'OSIBU, l'office du café en 1993, je crois, nous produisions aux environs de 40 000 tonnes de café marchand à vendre à l'extérieur du pays. 40 000 tonnes. Absolument. Et aujourd'hui? Actuellement, on est aux environs, on vous dit, 15 000, 18 000, quelque chose de ce genre. 40 000 en 1993, 94, ah, oui. Et 2022, Oui, oui. 15 000. Donc lorsqu'on parle, il faut parler avec des chiffres concrets, cela est la vérité. Donc vous comprenez qu'au niveau de la planification, même si on parle de ce domaine qui génère des devises, on a baissé. Donc il n'y a pas eu de planification pour que l'on augmente. Si on regardait d'autres... Vous allez aussi parler de sucre ah oui, dans cette ah oui. même voie. Oui, oui, je ne vais, vais pas parler de tous les domaines, mais je suis sûr que dans les autres domaines... Oui, c'est un exemple que je donne. Et oui, donc le coton, c'est pareil. Ça, je le sais. Donc, vous comprenez qu'au niveau de la planification pour augmenter la production nationale qui génère des devises, il y a un problème. Donc, la première recommandation, c'est structurer l'économie nationale et développer les secteurs producteurs de devises. Si on ne résout pas ce problème-là, et ça, ça ne se fait pas en une année, en deux ans. Non, il faut une bonne planification. Donc si on ne le fait pas, écoutez, dans quelques années, le pays sera sur terre, ceci est clair. Donc la deuxième recommandation que je pourrais faire, en ce qui concerne ce produit, il faut aussi que l'État, le gouvernement, joue aussi sur les prix. Actuellement, en Ouganda, le prix du carburant est de combien? C'est dans l'East Africa, actuellement, le prix est de 7 000 le litre. Eh oui, 7 000. 7 000. Francs ougandais. Chilé. Et chilé ougandais. 7 000. Ici, au Burundi, on est à combien? 3 500. Donc, en Ouganda, ils sont à peu près à 6 500 francs. C'est ça que ça signifie. Vous comprenez? Mais dans le prix du Burundi, il y a certainement les taxes. Et les pouvoirs d'achat pour les citoyens ougandais et burundais. Et voilà, justement, où ça devient complexe. Il perçoit combien de taxes au niveau du Burundi? Combien? Ça, on ne le sait pas. Les intérêts des commerçants, c'est combien? Ceux qui vendent le pétrole, c'est combien? Donc, le pays doit jouer sur ces éléments-là pour que le citoyen ne tombe pas complètement sur terre. Vous comprenez, ça c'est un problème qui doit être réglé par le gouvernement. Si le gouvernement est trop gourmand, ça devient la catastrophe. S'il prend trop de taxes, c'est clair. Donc, il doit mettre un frein à la population. Oui, voilà. Donc, l'autre, sinon le carburant au niveau mondial, comme vous le constatez, il est haut. Il est haut. Dans l'East Africa, les prix sont hauts. Ceci est clair. Donc, autre chose, il faut améliorer la gouvernance. Les petites quantités que l'on a, il faut assurer une bonne distribution, une bonne répartition. Il faut combattre les fraudes, il faut combattre la corruption dans ce domaine. Si on laisse tout aller dans tous les sens, si le gouvernement laisse cela, eh bien, la population va le voir et on retombe dans ce que les autres disaient, mais le gouvernement nous a abandonnés. C'est tout simple. chacun pour soi. Donc, il faut que le gouvernement y mette de la force pour qu'il n'y ait plus de fraude dans ce domaine. Alors, l'autre chose, l'autre mesure qu'on doit recommander fortement, ce sont les mesures de résilience, comme je le disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas m'expliquer, au moment où les populations ont besoin de petits moyens de transport, comme les motos, comme les tuk-tuk, qui consomment moins de carburant, vous dites, on enlève ça. Ah, moi, les populations de Moussaga, les populations de Chibitoke, de Ouki, roulaient à moto avec les tuk-tuk, avec de petites quantités de carburant. Maintenant, ils marchent à pied pour transporter leur... Stapel, ils ne transportent pas les paniers sur la tête. Mais si vous leur donnez les petites motos, les tuk-tuk, des choses de ce genre, ils peuvent se déplacer et attendre que la situation s'améliore. Et contribuer donc, aussi à la production. Voilà, et contribuer à la production, à l'économie. Ça, ce sont des mesures de résilience. On peut acheter 100 bus. Et ce sont des mesures de résilience. Autre mesure de résilience, ça, je ne sais pas si c'est possible pour le moment, mais il faut chercher cette piste-là. Il faut commencer à chercher ces petites voitures, ces petites motos qui fonctionnent avec l'électricité, qui ne fonctionnent pas avec... le carburant. Mais il faut aussi la disponibilité de l'électricité. L'électricité, quand même, on en a encore un peu. Dans la planification, oui, que vous avez évoqué tout à l'heure. L'électricité, on en a encore un peu. Mais il y a des pays qui s'y mettent maintenant. Vous allez dans quelques pays, vous allez constater que maintenant, il y a des motos qui roulent avec des... Même en Afrique, qui roulent avec l'électricité. Ça, ce sont des mesures de résilience. Et ça, ça demande que la gouvernance du pays s'y mette très sérieusement. Que la gouvernance du pays s'y mette sérieusement, Aloïse Valichakoy parle de structure de l'économie nationale, jouer sur les prix, améliorer la gouvernance, la résilience. Est-ce que vous ajoutez quelque chose? Moi, je reste sur ce que je disais il y a longtemps. Il faut importer par chemin de fer. Oui, ça devient moins cher, c'est très rapide. Donc, il faut que le gouvernement y songe. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une distribution équitable de devises, donc éviter le monopole. Actuellement, comme nous sommes dans une situation où il y a un manque de carburant, il faut que le gouvernement, s'il n'y a pas de devises, sollicite un crédit pour pallier à ce problème dans le court terme. Il faut aussi des mesures de restriction. Il faut limiter l'importation des produits de luxe. Il faut privilégier plutôt l'importation de produits de première nécessité. Mais aussi, il faut que le ministre en charge de l'énergie se mette en complément avec le ministre de l'Intérieur qui a la sécurité dans ses attributions pour éviter les fraudes dans ce domaine et pour aussi éviter la mauvaise distribution du carburant sur les pompes et aussi éviter les embouteillages que nous voyons parce que il y a aussi un désordre à ce niveau. Mais aussi, il faut que le gouvernement apprenne à se renforcer, à devenir fort par rapport aux pétroliers qui ont toujours imposé leur façon de faire dans ce domaine. Il faut aussi libéraliser le commerce de devises. Il faut réouvrir les bureaux de change parce que ça évite les spéculations. Éviter le marché noir. Oui, ça évite le marché noir, mais aussi ça évite les spéculations dans la distribution des devises. Parce qu'il y a ceux qui vont demander les devises dans les banques et qui les reçoivent, mais qui réellement ne les affectent pas dans ce qu'ils avaient avancé, comme quoi ils vont importer. Donc ils vont importer autre chose. Kepa Nivizi du parti Kodebo. Bon, je pense qu'il faut situer les interrogations à différents niveaux. Il y a des mesures qui sont à court terme, il y a d'autres qui sont à moyen terme et d'autres qui devraient être à long terme pour gérer à jamais ce problème. Alors, à court terme, il faut prendre des mesures pour gérer la crise. Oui, à court terme, disons. Mais est-ce que vous pouvez, en passant, parler de un jour type, ce que l'on pourrait appeler un jour type sans carburant? Ça fait quelle image? Bon, je pense qu'on en a déjà vécu. On en a déjà vécu. Pas même un jour, au moins deux, où sur toutes les stations, vous ne trouvez rien de carburant. Il y a des véhicules qui sont sur des stations pendant trois, voire même une semaine en attente. Ça veut dire qu'on a manqué le carburant. Alors, ce que je peux dire, il y a des mesures à court terme. Il faut gérer la crise. Oui. Maintenant, vous allez sur une station. Le camion Sterne vient, il alimente la station, on donne du carburant à 20 véhicules, on vous dit, voilà, le carburant se termine. Est-ce qu'un camion Sterne qui est venu avec 20 000 litres ont alimenté 20 véhicules, ce n'est pas possible. Ça veut dire que le gouvernement doit mettre de la rigueur pour que le peu de carburant disponible soit distribué en totalité en évitant les fraudes, ce que les autres ont dit. Le rationnement. Deuxième chose, n'est pas une solution. Il faut privilégier les véhicules de transport en commun. Ça veut dire les bus et les véhicules qui transportent les marchandises. Et là, on pouvait réserver des stations. On dit, telle station, c'est uniquement les bus et les véhicules qui transportent les marchandises. Aucun autre véhicule ne va pas s'approvisionner là-bas. Pour que quand même l'approvisionnement en marchandises, le transport au moins en commun, soit privilégié. Ce sont d'autres mesures, quoique ne pas trop légales. Pour les provinces qui se trouvent aux frontières, il faut faciliter. Si quelqu'un veut s'approvisionner en Tanzanie, au Rwanda, en RDC, laissez oui, le champ libre. Parce que maintenant, vous quittez la Tanzanie, vous venez avec un bidon de 5 litres, on vous prend comme un malfaiteur qui amène du chanvre. Vous faites de la fraude. C'est normal. Vous n'avez pas un produit, on retrouve ailleurs, vous appréhendez quelqu'un. Donc il faut donner des facilités de gestion. Est-ce que c'est finalement interdit de s'approvisionner? Oui, oui. Oui, en tout cas, si vous venez avec un bidon de carburant, vous comprendrez ce que ça signifie. Donc, il y a d'autres mesures que je dirais à court terme. Il faut chercher les devises. C'est ça, la bonne gouvernance, ce qu'on a cité, la bonne gestion des devises. Mais aussi, il faut rappeler, il faut une diplomatie responsable. Parce que nous voulions ou pas, notre pays a toujours besoin d'appui financier. Moi, je suis de son côté. Mmh. Alors, si on a voulu rompre avec les anciens partenaires financiers, pas de problème. Il faut chercher d'autres, mais qui sont actifs, qui contribuent au développement du pays. Les gens aiment dire que les appuis financiers ne profitent pas. Ce n'est pas ça. C'est plutôt la mauvaise gestion des bénéficiaires qui fait que ces appuis financiers ne bénéficient pas. Je me souviens un jour, on a connu, il y a quelques temps, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2018. On a connu, avant 2015, on a connu une pénurie de devises. Si j'ai bonne mémoire, l'Union européenne a subventionné à raison de 20 millions d'euros. Et puis on a trouvé quelque part une subvention de 20 millions de dollars. Et cela a un peu contribué à soulager. Maintenant, on a accordé des appuis financiers. Il y a l'Union européenne. Il y a les États-Unis qui ont promis. Il faut que l'État facilite. La Banque mondiale. La Banque mondiale. Il faut que les échanges avec cette décision soient rapides pour que les aides ou les appuis promis soient débloqués. Et comme ça va encore soulager la situation. Qu'est-ce qui bloque pour que ces appuis ne viennent pas? En tout cas, quand quelqu'un vous donne un appui, il y a un cahier de charge que vous devrez respecter. Alors il faut que des échanges fructueux. Pour le respect des cahiers de charge soit terminé. Là, je sais. Faites des efforts dans ce sens. Bon, autre chose, à moyen terme, je dirais, il faudra qu'on essaie de voir comment faut-il trouver assez de devises avec des produits que nous avons. Même si le café n'est plus en grande quantité, on peut exporter de l'eau. Ici, à côté de nous, en RDC, on consomme des produits qui viennent de la France. La France se trouvait plus loin que le Burundi. On pouvait exporter certains produits et trouver de l'argent là-bas. Et à moyen terme, c'est ce qu'ils ont dit, il faut mettre à terme tout ce qui est monopole. Tout ce qui est monopole. En tout cas, c'est le monopole tue l'économie burundaise. Et de façon sérieuse. Et dans tous les domaines. Alors, à long terme, alors, il faudra multiplier les sources de revenus en termes de devises. On peut exporter le café, rentabiliser le café, il y a le thé, il y a de l'eau. Ici, nous avons de l'eau et d'autres produits. Et trouver un minimum d'autosuffisance en termes de devises pour stabiliser notre économie. Au cas contraire, il y a le chaos qui va s'installer. Merci, Kefa Nivizi. Je rappelle que vous êtes le président du parti Codebout. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Bon, c'est moi qui vous remercie. Merci Aloïse Walichako, président du parti RANA, que merci d'avoir été des nôtres à travers cette émission Mosaïque. Merci de votre contribution. Merci aussi à nous répondre présents une fois que vous nous avez encore une fois. Mm-hmm. Honorable Agathon Gwasa, merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci à vous aussi pour nous avoir donner la chance de participer à ce débat. Et merci à Radio Isanganiro pour la mission d'information que vous accomplissez. Merci. Et merci à vous, honorable Pierre Claver et Nahimana. Vous êtes le président du parti Sorogna Frodebout. Merci de votre contribution à cette émission. Merci aussi pour votre invitation pour cette émission très importante. Nous espérons que le pays pourra trouver des solutions pour résoudre ce problème qui commence à hanter sérieusement les esprits. Espérons. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur le manque de carburant qui fait parler de lui aujourd'hui au Burundi, avec des conséquences pas moins graves sur la vie des citoyens. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Alain Wukeyeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitaligo. Mosaïque.